Audiomatic. Le duo américain Sun Airway ouvrait cette transmission 166 d'Audiomatic avec la chanson Swallowed by the Night, tirée de son premier album Nocturne of Exploded Crystal Chandelier, paru en 2010. Chaque journée de notre existence est bruit. Les sources de ces bruits sont multiples. que ce soit le contexte urbain, celui de la nature ou même encore au sein d'un environnement clos, divers sons viennent briser sporadiquement le silence. Les bruits ont également des degrés de violence, faibles, moyens, forts, insoutenables, et peuvent provoquer divers effets chez l'humain, selon la personne, relaxant, énervant, abrutissant. Si la nature a son propre répertoire de bruits pour la plupart agréables, l'environnement urbain créé par l'homme a généré ses propres sons dissonants qui composent une sémiose sonore propre à ce qu'on pourrait nommer la forêt urbaine. L'humain accepte ainsi de vivre à travers un ensemble de bruits organiques souvent désagréables, souvent violents. Et ceux-ci s'inscrivent dans une opposition à l'état de nature qui a vu naître l'humain. Toutefois, dans le studio où sont diffusées les transmissions d'audiomatique, les bruits sont d'ordre synthétique, ou à tout le moins certains d'entre eux, puisqu'ils constituent la matière à partir de laquelle les artistes composent de la musique électronique. Am I too high? Am I too proud? Is the music too loud for me to hear? Now I go out, but every beat is a violent noise. Dries my eye, with every beat comes a violent noise. The melody sun. dress me up in a nurse's outfit. It rides and sticks to my thighs and my hips. You put me in a teacher's little denim skirt. Ruler and desk so I can make it hurt. But I keep you on your best behavior. Honey, I can't be your savior. Love you to the grave and farther. Honey, I am not your martyr. You dress me in a nun's black habit. Hail Mary pass, cause you know I'll grab it. You wanna hit and run. You deserve. Yes, everyone seems to be asleep. Nous venons tout juste de terminer cette séquence de trois pièces avec Nine Inch Nails et la pièce Dear World qui se trouve sur son mini-album intitulé Not the Actual Events, paru récemment en format physique. Avant Nine Inch Nails, c'était Saint Vincent, pseudonyme de l'artiste Anne Erin Clark. De son plus récent album intitulé Mass Seduction, nous écoutions la pièce Savior. Et en début de séquence, c'était la formation The XX et sa pièce A Violent Noise, tirée de l'album I See You. Ce prochain segment à Audiomatic débute avec le duo polonais Coles. C-O-A-L-S. Coles. À Audiomatic. Take me to the porch. Le Britannique Chris Corner s'est d'abord fait connaître comme une des principales forces créatrices du groupe Sneaker Pimps au milieu des années 90, puis, depuis 2004, il fait carrière en solo sous le pseudonyme I Am X. Le 22 septembre dernier, il a fait paraître un nouvel album intitulé On Fall, qui a la particularité d'être complètement instrumental. Et de cet album, nous vous présentions la pièce Tick Tick Tick. Mentionnons que dans quelques jours, il annoncera la parution prochaine d'un autre album composé de chansons qui s'intitulera Alive in New Light. Précédemment, il s'agissait du groupe canadien Frontline Assembly qui existe depuis 1986, l'année où Bill Leeb a quitté Skinny Poppy pour voler de ses propres ailes. Au fil des années, Bill Leeb a travaillé avec plusieurs acolytes au sein de Frontline Assembly. Pour la période allant de 1997 à 2002, il s'est adjoint les services de Chris Peterson et c'est de cette période qu'est tirée la pièce Predator que nous vous avons fait jouer. En fait, nous vous avons présenté une version complètement remaniée par le groupe Collide, version qui se retrouve sur le double album Rewind qui comprend des remixes de chansons apparaissant sur l'album Flavor of the Week lancé en 1997. Et en amorce de séquence, le duo polonais Coles nous offrait la chanson Rave 03 Intro Version, sur laquelle collabore Bob Kowski. Cette chanson est extraite de leur premier album intitulé Tamagotchi. Le projet russe Delete amorce la prochaine séquence musicale grâce à un remix que nous offre un autre projet, soit Distance de la pièce Deep Window. We'll be right back. La musique du projet mexicain Siete 14 se faisait entendre à Audiomatic grâce à sa pièce Metempsychosis tirée de l'album intitulé tout simplement EP 3. Avant cela, c'était le projet chilien Poquitatan et de qui nous entendions la pièce Jobim tirée du mini-album Brève Explication de l'Aspartès. Et en début de séquence, le projet Distance nous offrait son remix de la pièce Deep Window, originellement composée par le projet Delete dans le cadre de son plus récent album Moscovite, paru un peu plus tôt cet automne. C'est au projet Blood Handsome, mené par Jaron Reach, que revient la responsabilité de marquer la fin de cette transmission 166 d'Audiomatic. De son premier album, Is Down, nous entendrons la chanson Gone Ghost. D'ici à ce que les électronistes vous offrent la transmission 167 d'Audiomatic en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM mercredi prochain dès 17h, vous êtes invité à réécouter les transmissions passées que vous avez manquées en vous rendant sur notre profil mixcloud.com/audiomatic et à également nous suivre sur facebook.com/audiomatic CFOU. Voici Blood Handsome et la chanson Gone Ghost. C'était Audiomatic avec les électronistes. what if, so